Je m'appelle Jennifer. Mon nom chinois c'est Jenny. Je viens de Seychelles. Vous écoutez Fréquence Afrique sur RCI. Vous écoutez Fréquence Afrique sur RCI. Je m'appelle Darrell et je suis Seychellois. J'écoute Fréquence Afrique. Makito Boarding School est une école primaire qui se situe dans le deuxième plus grand bidonville de Nairobi, la capitale du Kenya. Les élèves de cette école viennent de familles pauvres et certains enfants sont orphelins ou issus de familles monoparentales. Le 9 juin 2022, l'Association de l'économie et du commerce de Chine au Kenya a fait un don de matériel scolaire à cette école. Voici les détails. Makedo Beijing School a été mis en chantier en 2001. En 2007, grâce à une donation de l'ambassade de Chine au Kenya, le nouveau bâtiment scolaire a pu être construit. Pour remercier la Chine pour ce geste de générosité, l'école a ajouté « Beijing » dans le nom de l'établissement, en souvenir des profondes amitiés entre la Chine et le Kenya. Gladys Achien Ojinga, enseignante dans cette école depuis une dizaine d'années, nous en dit plus. Avant qu'ils construisent le bâtiment, nous n'avions pas de salle de classe. Nous n'avions que des salles en tôle incapables d'accueillir le même nombre d'élèves qu'aujourd'hui. Bénédicte Kiage est le directeur de cette école. Selon lui, avec l'amélioration des conditions scolaires, de plus en plus d'élèves ont la chance d'aller à l'école et d'avoir un meilleur avenir. Tout est amélioré maintenant. Les élèves peuvent mieux étudier. On a actuellement 530 élèves et 17 enseignants. 111 élèves ont déjà réussi leur examen d'entrée à l'université. D'autres élèves ont été admis dans des écoles techniques professionnelles. Le 9 juin 2022, les enfants ont reçu des cadeaux offerts par l'Association de l'économie et du commerce de Chine au Kenya, comprenant 122 chaises, 11 tables et 70 placards. Cet équipement peut répondre pleinement à la demande éducative des élèves, leur permettant d'avoir des conditions scolaires et un environnement d'enseignement encore meilleur, a indiqué le directeur de Makedo Beijing School, Bénédicte Kiage. Ce don est bien apprécié. Avant, des élèves n'avaient pas de place pour s'asseoir. Certains d'entre eux devaient se bousculer. Les tables et les chaises offertes aujourd'hui leur permettent d'être plus confortables afin de pouvoir mieux étudier. L'élève Michel Achien avait du mal à dissimuler son émotion. J'étais très heureuse quand j'ai entendu parler de la donation des tables et des chaises, parce que je sais que cela va faire de l'étude. Maintenant, on ne manque plus de tables ni de chaises. Je suis contente qu'on n'ait plus besoin de s'asseoir tous les deux sur une seule chaise. Depuis l'apparition de l'épidémie de Covid-19, le développement économique et social du Kenya a été bousculé. De nombreuses familles pauvres ont du mal à donner 3 repas par jour à leurs enfants. Heureusement, Makedo Beijing School a reçu des dons de marchandises venant de Chine, en 5 groupes, et comprenant des repas quotidiens pour les enfants permettant d'alléger davantage considérablement leur fardeau familial. Écoutons Gladys Achien Ojinga, enseignante de cette école. Les Chinois et l'Association de l'économie et du commerce de Chine au Kenya nous ont fait don d'autres matériels. Lors de l'épidémie, ils nous ont offert aussi de la nourriture. Pour nous, les Chinois nous sont très chers. C'est difficile de leur exprimer nos remerciements avec des mots, car ils font énormément de gestes de générosité. L'éducation que nous offrons ici n'est pas seulement pour nous aider nous-mêmes, mais aussi pour aider toute la communauté, qui est bénéficiaire donc de l'assistance de la Chine. Sur RCI. L'émission continue. En juin dernier, à Bujumbura, au Burundi, a eu lieu la cérémonie de remise de 2 projets réalisés dans le cadre de la coopération sino-burundaise dans le domaine de la transformation numérique. L'un concernant l'accès à la télévision numérique par satellite pour 200 villages burundais et l'autre sur la fourniture gratuite de 190 000 décodeurs et autres appareils par la Chine. Précision dans le reportage. Lors de la cérémonie, Madame Léocadie Dakaï Saba, ministre burundaise de la communication, des technologies, de l'information et des médias, a remercié la Chine pour les appuis apportés à son pays. Les travaux réalisés grâce à la coopération chinoise offrent plein d'opportunités à la population burundaise en donnant à celle-ci l'accès au droit à l'information, a constaté la ministre. À cette occasion, l'ambassadeur de Chine au Burundi, Madame Chao Jiangqing, a rappelé que le projet Accès à la télévision numérique par satellite pour 10 000 villages africains avait été annoncé par le président chinois Xi Jinping en 2015 lors du sommet de Johannesburg du Forum sur la coopération sino-africaine. Il s'agit de connecter quelque 10 000 villages de 25 pays africains à la télévision numérique par satellite et d'offrir des décodeurs à 200 000 foyers africains. Au terme des travaux de la première et de la deuxième phase de ce projet, 500 villages burundais en tirent déjà bénéfice. Voici l'ambassadeur de Chine au Burundi. Cette initiative, qui est financée par bon chinois de la coopération suisse, consiste à enrichir la vie culturelle des populations locales et à promouvoir les échanges culturels entre la Chine et l'Afrique. Dans le cadre du renforcement des liens d'amitié entre la Chine et le Burundi, la réalisation de ces deux projets numériques témoigne parfaitement de l'amitié traditionnelle et profonde de nos deux pays et nos deux peuples. Les deux projets sont menés par le géant chinois de la télévision numérique StarTimes. StarTimes qui se charge de l'installation d'équipements, de la prestation des services techniques et de la formation du personnel. La Chine continuera à travailler avec le Burundi pour améliorer les conditions de vie dans les régions rurales pour que l'ensemble de la population burundaise puisse bénéficier des acquis de l'ère numérique, a affirmé Madame l'ambassadeur. Et pour le ministre burundais des Affaires étrangères, les relations sino-burundaises se portent très bien. On écoute son porte-parole, Madame Sonia Nin Nyobawe. Aujourd'hui, les relations de coopération avec la Chine sont en bonne santé. Et la Chine approuve beaucoup le Burundi dans plusieurs secteurs économiques et sociaux. Donc, je peux citer sans être exhaustif sur certains secteurs, par exemple dans le secteur de l'éducation et bien d'autres secteurs des infrastructures, ainsi de suite. Avant de poursuivre la dernière partie de cette émission, je vous invite à écouter la chanson intitulée « Parler d'amour » et on se retrouvera juste après. Hey! À présent à suivre la dernière partie de l'émission consacrée au cours de chinois. Et c'est parti. Vous êtes francophone, vous êtes passionné par la Chine, alors surtout ne manquez pas notre cours de chinois au quotidien. Salut à tous, Dajia Hao, bienvenue à l'écoute de notre chinois au quotidien, c'est Shotai au micro. Dajia Hao, bonjour Shotai, moi c'est Yves, un français qui apprend le chinois avec vous. La dernière fois, nous avons appris quelques expressions pour remporter la perte d'un objet. Faisons d'abord une révision rapide et revoir les mots-clés de la leçon précédente. Commençons avec Tioula. Tioula, perdu. J'ai perdu ma bourse. J'ai aussi perdu ma carte de crédit. Tu dois déclarer la perte le plus vite possible. Tu peux venir la retirer une semaine après. Maintenant, écoutons les dialogues complets de la leçon précédente. C'est tout pour la révision de la leçon précédente et regardons maintenant les mots-clés du cours d'aujourd'hui. Tu dois aller voir le docteur. Peux-tu m'accompagner à l'hôpital? Où je dois prendre un numéro? Je voudrais voir un spécialiste. J'ai mal à la gorge, ça, Otari, à cause de la pluie d'hier. Et j'ai peur d'être enrhumé. Alors, tu dois aller voir un docteur. idée, tu can ishan. Ni tu. Ni. Te doit. Dei. Tu allez. Tu. Can boire. Can. Ishan docteur. Ishan. Ni de tu can ishan. Ni de tu can ishan. Tu dois aller voir le docteur. Dialogue 1. 你咳嗽得这么厉害，你得去看医生。你能陪我去医院吗？好，没问题。 Voilà, c'était le dialogue 1. Dans cette conversation, on a entendu la première personne qui dit 你咳嗽得这么厉害。你咳嗽得这么厉害。 Ce qui veut dire tu as une mauvaise toux. 你咳嗽，tousser，这么，tellement，厉害，fort. 你得去看医生。 Ni de tu can ishan. De. De voir. Tu allais. Can ishan voir le docteur. Et la deuxième personne lui dit. Ni nan pei wo tu yuan ma. Ni nan pei wo tu yuan ma. Peux-tu m'accompagner à l'hôpital? Nan pouvoir. Pei. Accompagner. Wo. Je. Moi. Tu allais. Yuan. Hôpital. La réponse est. Ha. Mais on dit. Quand, mais Wendy, bien sûr, pas de problème. Wendy, problème ou question. Mais, négation. Donc, il n'y a pas de problème. Peux-tu aller à l'hôpital avec moi, Sautai? J'ai peur qu'il n'y ait pas de docteur qui comprenne l'anglais. Ni mon chinois, d'ailleurs. Je veux bien, mais j'ai d'autres choses à faire maintenant. Je peux te raconter comment demander de l'aide à quelqu'un d'autre en chinois. Tu peux dire... Ni neng pei wo tu yuan ma. Ni neng pei wo tu yuan ma. Non, le deuxième ton, qui veut dire pouvoir. Non. Pei, le deuxième ton aussi, c'est-à-dire accompagner. Pei. Yuan, hôpital. Yuan. Ni neng pei wo tu yuan ma. Ni neng pei wo tu yuan ma. Peux-tu m'accompagner, aller à l'hôpital? Ok, c'est Otai. Bon, je crois que j'ai compris. Mara a accepté d'aller à l'hôpital avec moi. Je voudrais savoir où je peux prendre un numéro. Tu peux demander au chinois. Zai na guà hao. Zai na guà hao. Zai a. Zai. Na ou. Na. Guà hao. S'enregistrer ou prendre un numéro. Guà hao. Zai na guà hao. Zai na guà hao. Où je peux prendre un numéro. Dialogue. Zai na guà hao. Zai qian mian de guà hao chu. Voilà, vous venez d'entendre le dialogue 2. On a parlé de quoi dans cette conversation. Zaina Guahao. Zaina Guahao. Où est-ce que je peux prendre un numéro? Zai qian mian de Guahao chu. Zai qian mian de Guahao chu. Le guichet pour prendre un numéro est sur le devant. Zai qian mian. Sur le devant, qian mian devant, Guahao prend le numéro et chu le guichet. Donc littéralement, le guichet qui est sur le devant. Zaina où? Zaina. Où je peux prendre un numéro. Pourquoi on n'ajoute pas ma à la fin de la question? Bonne question. En fait, en chinois, quand quelqu'un pose une question en demandant ma ou na que, ce n'est pas la peine d'ajouter ma à la fin. D'accord, je comprends. Bon, ça a l'air facile de trouver le guichet pour s'enregistrer. Et si je veux voir un spécialiste, c'est au taille. Pour cela, tu peux dire ah, il que. Juan Tian Han. Quoi, Igue, Juan Tian Han. Quoi, Han, enregistré. Nous l'avons mentionné tout à l'heure. Quoi, Han. Igue, hein. Igue. Juan Tian, spécialiste. Juan Tian. Quoi, Igue, Juan Tian Han. Quoi, Igue, Juan Tian Han. Je voudrais voir un spécialiste. Ou littéralement, je voudrais prendre un numéro pour voir un spécialiste. Dialogue 3 maintenant. 你好，挂一个专家号。挂哪个大夫的？内科李山大夫。 Voilà, c'était le dialogue 3. 你好，挂一个专家号。你好，挂一个专家号。 Bonjour, je voudrais prendre un numéro pour un spécialiste. 你好, bonjour. 挂, prendre. 一个专家号, un numéro pour un spécialiste. 挂哪个大夫的？挂哪个大夫的？ Pour quel docteur voulez-vous prendre un numéro? Nage daifu. Pour quel docteur? De sert à remplacer le mot que l'on ne veut pas dire ici numéro. Neike li shan daifu. Neike li shan daifu. Li shan, du service de médecine générale. Neike, littéralement la médecine de l'intérieur. Li shan, si c'est un nom propre. Daifu, médecin. Avant d'écouter les dialogues au complet, révisons tout d'abord ce que nous avons appris aujourd'hui. Ni dei, tu kan yi sheng. Tu dois aller voir le docteur. Ni neng pei wo qu yi yuan ma? Ni neng pei wo qu yi yuan ma? Peux-tu m'accompagner à l'hôpital? Zai na er guan hao? Zai na er guan hao? Où puis-je prendre un numéro? Guan yi ge zhuan jia hao. Prendre un numéro pour le spécialiste. Très bien. Bon, on va maintenant écouter les dialogues d'aujourd'hui en entier. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien tout saisi. On se détend en découvrant une nouvelle facette de la culture chinoise. Notre rubrique ABC de la culture chinoise. Dans les villes et les bourgs chinois, on trouve différentes sortes d'hôpitaux. Certains quartiers ou même certaines unités de travail possèdent leur propre service de consultation ou leur infirmerie. Généralement, on va voir le docteur au département de consultation, c'est plus pratique. Si on va à l'hôpital, il faut faire un courrier pour s'enregistrer. Si vous voulez voir un spécialiste, vous êtes obligé d'y aller très tôt à cause de leur agenda occupé. Beaucoup d'hôpitaux importants permettent de réserver par téléphone ou par internet. Merci Sao Tari pour ce petit complément. Bon, ainsi se chève notre cours d'aujourd'hui. Comme d'habitude, on se quitte avec un petit test. Comment dit-on en chinois « je veux voir un spécialiste » ? Si vous avez la réponse, c'est très simple. Envoyez-nous un petit mail à l'adresse suivante, crifr1@cri.com.cn. Et si vous voulez en savoir plus, veuillez consulter notre site internet french.cri.cn. Au revoir, Sarantai. Au revoir, Yves. Au revoir tout le monde. Très bien. C'est ainsi qu'on s'achève cette édition de Fréquence Afrique. Merci de l'avoir suivi. On se dit au revoir en musique avec le titre Nostalgie. Je rappelle que vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site french.cri.cn. À bientôt, les émissions continuent sur les ondes de Radio Chine Internationale. Radio Chine International.